Chapitre 3e. On devine comment se terminait l'aventure. D'abord, pour que le fameux testament ne fût pas tout à fait une fumisterie, disait-il, et en dépit des protestations sincères de son patience, l'oncle Régnier fit don à celui-ci de la coquette somme de 2 millions de dollars en attendant le reste. Devant la volonté formelle de son oncle, son patience se résigna, mais cette fortune le laissa absolument indifférent dans le grand bonheur qui lui arrivait. Entre René Dubois et lui, en effet, une explication s'imposait après ce qui s'était passé, surtout lorsque son patience eut appris que René avait assisté, invisible et présente, aux confidences faites à son frère. On devine que cette explication se résolut en un consentement sincère et admirateur de la part de la jeune fille, quand son patience posa nettement la question d'union définitive entre eux. Avec sa simple et tendre loyauté, René avait accepté joyeusement sans aucune espèce d'hésitation. Et d'abord, elle s'était sentie, sans le dire, attirée vers ce personnage original qui dissimulait tant de réelles et solides qualités sous la plus rébarbative des enveloppes et auquel son frère et elle devaient tout. D'autre part, le sans-patience d'antan était bien changé. Plus que les soucis, les fatigues et les périls même de la plus extraordinaire des aventures, l'amour, qui peut avoir sur les destinées la meilleure ou la pire des influences, l'amour avait maté ce caractère redoutable et jusqu'alors peu fait pour attirer la tendresse. Et René sentait qu'elle pouvait sans crainte confier le soin de son bonheur à cette énergique et à ce généreux, si tempétueux jadis, et qui maintenant, en la regardant, tremblait et rougissait comme un enfant. Lorsque 8 jours plus tard, presque complètement rétabli, l'ingénieur vint rejoindre son ami et sa sœur à Philadelphie, tout était arrangé. Il n'en fut d'ailleurs pas étonné, puisqu'il avait fallu sa bienveillante complicité pour organiser, du moins en partie, le petit complot en question, et il s'empressa de présenter à son futur beau-frère et à sa sœur ses plus chaleureuses et sincères félicitations. L'oncle Régnier mena cette affaire tambour battant à l'américaine, et 2 mois plus tard, l'ingénieur pouvait saluer avec bonheur Madame Jules Régnier. Le mariage fut célébré à Philadelphie au milieu d'une affluence extraordinaire. La Maison-Blanche et les principaux départements du gouvernement de l'Union s'étaient fait représenter à la cérémonie religieuse à laquelle assistaient également les gouverneurs des États voisins, 2 amiraux, 3 généraux et autant de milliardaires. L'aviation américaine avait également envoyé 4 de ses plus audacieux pilotes offrir ses meilleurs vœux de bonheur aux glorieux camarades français. Bref, le brave docteur Buller, qui avait été spécialement invité, trouva cette cérémonie presque aussi splendide que la catastrophe qui avait fait son admiration. Le lendemain du mariage, l'ingénieur s'éclipsa discrètement sans rien dire à personne et resta 3 jours absent. Lorsqu'il revint, il répondit à son patience qui l'interrogeait sur l'emploi de son temps. « Je viens de préparer mon départ. »« Ton départ ?» interrogea son patience. Car depuis qu'ils étaient devenus beaux-frères, les 2 amis se tutoyaient. « Certainement. Je ne pense pas que nous allons passer le reste de nos jours à Philadelphie. »« Ne médis pas de Philadelphie !» dit sans patience en regardant tendrement sa jeune femme. « Pour ma part, je trouve que c'est la ville la plus délicieuse du monde, puisque c'est là que j'ai connu le plus grand bonheur de ma vie. Je n'en doute pas. Mais moi, je soupire après Paris. Et du moment que ma présence ici n'est plus nécessaire, je demanderai à notre excellent hôte la permission de vous devancer et d'aller vous attendre en France. » « Pourquoi ne pas différer votre départ de 2 jours ?» interrogea l'oncle Régnier. « Le Lafayette n'aura pas tiré tous ensemble. Ce serait un voyage délicieux. »« C'est que, dit l'ingénieur, je ne compte pas voyager sur l'eau, moi. Je viens de remettre notre aéroplane en état. C'est avec lui que je veux rentrer en France. » 3 exclamations de stupeur accueillirent ces déclarations. « Laissez-moi vous expliquer, » continua l'ingénieur sans s'émouvoir. Et tirant un journal de sa poche, la loyale Allemagne ne se compte pas de nous envoyer dans les ailes des forbans comme le fameux Neumann. Elle conteste tout simplement l'authenticité et la sincérité de notre randonnée. Écoutez plutôt la traduction qu'a donnée le New York Herald d'un article de la Gazette de Voss. Et il lut les lignes suivantes. Les États-Unis continuent à être en ébullition à propos du prétendu raid aérien des 2 Français dont nous avons déjà parlé en faisant les réserves qui s'imposaient. En effet, une souscription nationale vient d'être ouverte dans l'Union, ayant pour but de construire à Jersey City, à l'endroit où ses prétendus héros ont fait la culbute, un monument gigantesque destiné à perpétuer dans les temps le souvenir d'un exploit qui n'a jamais existé. Car il est prouvé, à présent, que les deux Français dont il s'agit n'ont guère franchi, par leurs propres moyens, qu'un peu plus de la moitié de l'Atlantique. Si l'on est resté près de 5 jours sans avoir de leurs nouvelles, c'est que pendant ces 5 jours, ils avaient été recueillis et transportés par un navire envoyé par eux d'avance, et tout exprès en un point donné de l'océan, et qui les a déposés ensuite à une 50aine de kilomètres de la côte américaine. En somme, ce fameux raid ne constitue donc que le plus audacieux des bluffs. Mais naturellement, ni nos voisins les Français, ni les emballés citoyens de l'Union ne voudront en convenir. Et voilà, conclut l'ingénieur en repliant le journal. Vous comprendrez donc tous qu'en présence d'une affirmation aussi déloyale, et qui est suffisamment absurde pour pouvoir être prise en considération par certains imbéciles, mon devoir est tout tracé. Un philosophe grec ne trouva rien de mieux que de marcher devant un confrère qui niait le mouvement. Pour prouver au monde que notre raid fut authentique et loyal, le meilleur moyen est évidemment de recommencer la traversée en sens inverse. « Tu as raison, » déclara sans hésitation, sans patience. « Et René voudra bien comprendre que mon devoir est de t'accompagner. »« Ça non !» répondit nettement l'ingénieur. « Ta personne aujourd'hui ne t'appartient plus et tu n'as plus le droit d'en disposer à ton gré. Je partirai seul. » Mais c'est impossible. Jamais tu ne pourras supporter un effort aussi soutenu que celui qui te serait imposé par la conduite d'un aéroplane pendant 40 ou 48 heures. Je le peux parfaitement, au contraire, en m'arrangeant de manière à ne passer qu'une nuit dans l'atmosphère, ce qui est possible à condition de partir d'ici de très bonne heure et même avant l'aube. Mais attendez ! Intervint à ce moment l'oncle Régnier. Je vais vous mettre d'accord. Vous avez raison tous les deux. Il est entendu que toi, mon neveu, tu ne peux songer à délaisser déjà ta charmante compagnie pour tenter à nouveau cette entreprise. Il est non moins certain que M. Dubois ne peut effectuer seul ce voyage. En conséquence, c'est moi qui l'accompagnerai. Vous ? Pourquoi pas ? M. Dubois voudra bien me donner une ou deux leçons avant son départ. Et puisque, paraît-il, la conduite de votre aéroplane est très simplifiée, ce sera suffisant pour qu'en cas d'urgence, je puisse le remplacer une demi-heure ou une heure au volant. De la sorte, M. Dubois aura le réconfort de la présence d'un compagnon, prêt à l'aider si c'est nécessaire, et supportera bien mieux que s'il était seul les fatigues d'un pareil voyage. Pendant ce temps, mes chers neveux et nièces prendront passage à bord du Lafayette et nous suivrons, prêts à nous secourir ou nous recueillir en cas de besoin. Ce qui sera d'autant plus facile, dit l'ingénieur en entrant tout de suite dans les vues de l'oncle Régnier, que cette fois, pour éviter toute erreur de direction, je suis décidé à suivre une ligne droite allant nettement de l'ouest à l'est. Le Lafayette n'aura donc qu'à suivre, en nous convoyant, le 40e degré de latitude nord. Car je compte toucher terre en Portugal, dans les environs de Figueira ou de Coimbre. J'aurai de ce fait quelques centaines de kilomètres de moins à faire au-dessus de l'océan. Même, si M. Régnier le veut bien, nous profiterons de cette circonstance pour tenter un autre record. Un record ? Interrogea l'oncle Régnier. All right, ça me va, et quel record ? Il consisterait à nous rendre directement de Portugal à Étampes en traversant les Pyrénées. Diable ! Fit sans patience. Mais dis donc, c'est que c'est haut par là ? Oui, assez haut, répondit tranquillement l'ingénieur. L'altitude de certains pics varie de 2500 à 3400 mètres. Dans tous les cas, et même en choisissant mon point de franchissement, je comptais être obligé de m'élever à au moins 3000 mètres, ce qui constitue une hauteur respectable. Splendide ! S'écria l'oncle Régnier, enthousiasmé. J'en suis, monsieur l'ingénieur, comptez sur moi. Et puis, c'est la seule manière de prouver une fois pour toutes à la vertueuse Allemagne que non seulement la science française s'élève par ses conceptions à 100 coudées au-dessus de la sienne, mais encore que l'industrie française usine des produits bien supérieurs à ses contrefaçons de pacotille. Ainsi fut fait. Cette fois, l'ingénieur annonça d'avance son projet et exigea qu'on contrôlât officiellement son départ. Le 16 mai, à 11 heures du matin, après avoir effectué les jours précédents quelques vols d'essai, il s'élevait de Jersey City en présence d'une foule énorme, traversa le Hudson, le Détroit, puis Long Island et piquait droit vers l'est. Instruit par l'expérience, il avait emporté une hélice de rechange, un petit canot de toile repliable, un sextant et les instruments nécessaires pour faire le point. Il estimait environ 5000 km le nouveau trajet à parcourir et espérait ne pas mettre plus de 36 à 40 heures pour l'effectuer. De fait, malgré un grain violent qui assaillit les aviateurs au milieu de leur traversée, partis de Jersey City le 16 à 4 heures du matin, heure de New York, ils atterrissaient près de Figueira, en Portugal, le 17 à 8h35 du soir, heure de Madrid. Leur vitesse moyenne avait donc été de 140 km à l'heure. Les autorités de Figueira et de Coimbre, environnées de plus de 10 000 personnes, constatèrent officiellement, sur la prière de ceux-ci, l'identité des aviateurs ainsi que leur heure d'arrivée et l'état de leur appareil. Cette fois, on ne pouvait plus dire que la traversée aérienne de l'Atlantique était un bluff. On avait contrôlé la veille le départ des aviateurs de New York. Le lendemain, on contrôlait leur arrivée en Portugal. Seul, évidemment, l'aéroplane était le mode de locomotion permettant une telle rapidité. La presse allemande, réduite à quilla, n'essaya plus de contester la sincérité du fabuleux voyage. Seulement, elle fit sur sa réédition le silence le plus complet. Et le Lafayette était encore à plus de 1000 km des côtes européennes qu'un autre radiotélégramme faisait savoir à son patience et à sa jeune femme, tous deux très inquiets, que dans la journée du 19, l'aéroplane monté par l'ingénieur et l'oncle Régnier s'était rendu directement de Figueira à Étampes sans escale, après avoir heureusement franchi les Pyrénées dans les environs du pic du Midi à une altitude de 3100 mètres. Inutile de rappeler l'accueil délirant qui à Étampes fut fait à l'ingénieur et à son compagnon. Ce fut, on le comprend, un triomphe. La vente de ses brevets et les travaux qu'il entreprit par la suite rendirent l'ingénieur aussi riche que l'oncle Régnier. Celui-ci habite maintenant avec son neveu et sa nièce. La jeune Madame Régnier a tenu à venir demeurer à Verdun, dans la maison familiale de la rue Neuve, où son mari a vu le jour, et l'oncle Régnier y possède lui aussi son appartement. De temps à autre, on va à Paris passer quelques jours avec l'ingénieur, à moins que celui-ci ne se dérange lui-même pour venir se reposer un peu à Verdun, ce qui arrive assez souvent. Et tout le monde serait heureux si l'ingénieur n'avait pris goût aux inventions, l'oncle Régnier à l'aviation et sans patience aux aventures. Il en résulte que dès qu'ils se retrouvent ensemble, tous trois échafaudent d'extraordinaires projets dont le moins audacieux a pour résultat de donner le frisson de la petite mort à René qui, elle, ne rêve que de passer tranquillement et simplement sa vie entre son mari et ses enfants. Jusqu'ici, grâce à l'influence qu'elle possède sur les trois hommes, elle a pu faire que les aventures qu'ils rêvent en commun restent à titre de projet. Mais malgré tout, elle n'est pas certaine de pouvoir répondre de l'avenir à ce sujet, et il pourrait fort bien se faire que par la suite, nous soyons encore amenés à raconter les nouvelles aventures de sans patience. Ainsi s'achève « L'héritage de sans patience » par Abel Cibresse.